On a eu des passes difficiles, mis de son lycée, moral le fil est en exil, nos vies qui tiennent sur le fil. Ici les sports se disent qui le beurre, les cœurs deviennent villes. Dans la ville, ne tremble pas pour tirer dans le mille comme Scofield. Je mets toute ma chair pour la liberté. Certains voudraient me mettre à poil et pas depuis la puberté. On cherche dans nos têtes, c'est toute l'année l'été. On ressent le manque d'un gosse, d'une mère qui n'a pas allaité. Les démons rôdent, les yeux brillent, mais loin de l'émeraude. L'amour des soies et c'est des cœurs en pierre que l'on se brode. On reste good même quand c'est pas très bis, quand tous des grades. Toujours les mêmes fêtes qui morfleront tant qu'il y aura des grades. Dur de rester vrai là où tout est faux. C'est la chance s'éclisse, aller trop vite, c'est aller dans le fossé. Prends le temps de réfléchir, de ton âme l'élever. Même les genoux à terre, je dois me relever. Il faut se relever, nos esprits les élever. On le sait, la vie c'est difficile, combien se perdre à saliver. Plus de temps à perdre, il faut se soulever. Plus le moment de se plaindre d'être mal dans ses souliers. Il faut se relever, nos esprits les élever. On le sait, la vie c'est difficile, combien se perdre à saliver. Plus de temps à perdre, il faut se soulever. Plus le moment de se plaindre d'être mal dans ses souliers. On passe plus de temps à se plaindre qu'à trouver des solutions. Baisser les bras, c'est faire que la débrouille assouvre d'introcution. Rien ne se règle en mettant le vouloir sur un cintre. La vie un tableau, à toi d'y mettre les bonnes couleurs d'un peintre. Faire des choix, c'est accomplir le taf d'un potier. Je n'irai pas chercher réponse à mes questions jusqu'à boitier. Ni m'apitoyer, foutre la merde et puis me tailler. Je garde le fil en couturier, belle vie, je veux te côtoyer. Des cèdres, des cèdres, noyés dans des cendres. Et j'ai la migraine à la crainte, combien rêve de nous descendre. Dans nos camps, y'a plus de saison, mon cœur est un mois de décembre. En quête de lumière, à l'horizon, y'a plus que des sombres. Lassé d'embrasser, lève rêve glacé. Blasé de raser la trêve, j'élève mon blasé. Prends l'humilité qui t'a passé pour un maboule. Pourvu que mon message de paix résonne jusqu'à Kaboul. Il faut se relever, nos esprits les élever. On le sait, la vie c'est difficile, combien se perdre à saliver. Plus de temps à perdre, il faut se soulever. Plus le moment se plaindre d'être mal dans ses souliers. Il faut se relever, nos esprits les élever. On le sait, la vie c'est difficile, combien se perdre à saliver. Plus de temps à perdre, il faut se soulever. Plus le moment se plaindre d'être mal dans ses souliers. Je lève mon verre et lève mes verres à ceux qui se lavent des larmes d'enfer. Délaisse les larmes qui cessent de faire et lorsque ceux qui se lassent d'en faire. J'admire ce fils qui gère sa famille lorsqu'il le perd. Le père, je parle de père, car dans mémoire ses filles déportées vers le Caire. La force d'une future mère devant opter pour l'IVG. Si l'amour espoir à chaque page, alors son livre j'ai. À force de les lire, sa couverture est ouvragée. Courageux, ses anciens combattants oublient et finissent pauvragés. Je vénère victime de guerre, survivant terminé. Alors qu'ici, lorsque l'emploi il perd, pense que sa vie est terminée. J'ai honte de voir cela te tendre leur dernier grain de riz. Tandis qu'ils cimentaient du pain, c'est se transformer en grand du rire. Je respecte tous ces guerriers de la vie, mon géniteur. Le goût de l'empire, soi-disant débile à qui l'on a pris des gènes à tort. À ceux qui restent, un n'étale pas leur galère. Entre pièges et objectifs qui s'improvisent intercalaires. Il faut se relever, nos esprits les élever. On le sait, la vie c'est difficile, combien se perdre à saliver. Plus de temps à perdre, il faut se soulever. Plus le moment se plaindre d'être mal dans ses souliers. Il faut se relever, nos esprits les élever. On le sait, la vie c'est difficile, combien se perdre à saliver. Plus de temps à perdre, il faut se soulever. Plus le moment se plaindre d'être mal dans ses souliers.